Et combien de rêves j'ai pas poursuivi, combien de fois on m'a dit j'ai pas le bon CV, redable comme un porc qui roule en civil. Mère est partie vite, donc je suis mal sevré. Solo, j'ai appris à faire l'argent sale. Ma vie manquait de goût, donc j'ai volé le ciel. Dans la soupe, personne ne m'a donné le sein. J'ai qui a craché quand j'étais au sol. Cocaïne a caché dans le scénic. Je raconte ma vie, on se croit au ciné. Jamais impressionné par ses mythes. Fac lui vite, on s'agra dessiné. Tous mes gars aiment les lots. Toujours au pied pour un hold up. J'ai pas peur, je mets le maillot. J'ai déjà un pied dans l'au-delà. Tu cries partout, c'est ta go. Elle tapinait pour un autre gars. T'as les narines pleines de coke, man. Pourquoi tu viens, tu me fais le fou là. Mais j'enquête, j'ai des gros chèques. J'enquête, j'ai des gros chèques. J'enquête, j'ai des gros chèques. Gâché, j'ai zappé le terrain de foot pour me poser sur un thé. À l'école, souvent absent, j'ai délaissé une bague pour vivre ce qu'il avait assez. L'argent, j'en ai pas assez, je vais me diminuer, j'ai pas le temps de t'aimer. Me parle pas d'amour, me parle pas de la vie, j'ai déjà pu sur la mort. Et toi, qu'est-ce que tu connais de ma vie, hein? Je voulais le salaire David Villa. C'est fini par cambouler dans ta villa. Je suis sur RM Volet, je suis pas loin de ma villa. Les tricots à la pile, la peuple les appels, je pensais même pas appeler ça un pola. J'ai pas le permis, mais tu me croises au volant. Quand tu partais en boîte, chez toi, je partais voler. Si toi je pars tes volets, moi je pars ta chambre, on va venir cabriolet. Coupez ton cabriolet, mais blimbo ta grand-mère, on fait pas la moelle. Si toi je pars tes volets, moi je pars ta chambre, on va venir cabriolet. Coupez ton cabriolet, mais blimbo ta grand-mère, on fait pas la moelle. Mais blimbo ta grand-mère, on fait pas la moelle. Et j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête, j'enquête.